défense et illustration de la langue latine. Dans cette mosaïque de peuples qui constitue l'Europe, et pas seulement l'Union européenne, là où le commerce n'a pas réussi, loin de là, à rapprocher les Européens, dont les langues officielles sont si nombreuses, la langue latine ne pourrait-elle, elle, y arriver? Le latin, en effet, fut hier le ciment de l'Europe, et il a tous les atouts pour le redevenir demain, si l'on veut bien l'examiner de plus près. Le latin, langue de l'Europe. À ce sujet et sous ce titre, des propos de Jean-Philippe Vincent, ancien élève de l'ENA et directeur d'études à l'Institut d'études politiques de Paris, sont rapportés par François de Gaulle, farouche défenseur de l'espéranto, dans le Figaro du 3 mars 2005. Ces propos, empruntés au célèbre plaidoyer « Le latin ou Babel » du recteur Jean Capel, que nous reverrons plus loin, les voici. Oui, l'Europe trouverait un grand avantage à adopter une langue commune qui, sans abolir les langues nationales et régionales, serait utilisée parallèlement aux langues vernaculaires actuelles. Oui, choisir une langue nationale d'un des pays de l'Union européenne, il ne saurait en être question, car les jalousies que cela pourrait susciter, fort compréhensibles, s'y opposent. Avec le latin et l'espéranto, ce dernier problème ne se pose plus. Alors que François de Gaulle plaide évidemment ensuite la cause de l'espéranto, créé en 1887, notamment à partir du latin lui-même, je voudrais, comme tant d'autres l'ont fait et bien fait avant moi, plaider ici la cause du latin en tant que langue culturelle de communication, au moins entre Européens.